Salut à toutes et tous, la tribu. Bienvenue dans la 67e Vampire Freak, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et sur archive.org. Bonjour, bienvenue et bonne année et bonne santé, enfin meilleurs voeux. Merci à tous les petits nouveaux qui nous ont rejoints sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. À peu près une dizaine la semaine dernière, pour moi c'est énorme. Merci aux nouveaux aussi d'être toujours là et n'hésitez pas, faites découvrir. On est là pour ça. On commencera avec Pendragon de Gravedigger. C'est sur l'album Excalibur, leur 7e album sorti le 6 septembre 1999. On retrouve The Secrets of Merlin, Excalibur et Avalon notamment. C'est un concept album autour de la légende du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde. On poursuivra avec une nouveauté, Roots to Shit de Ashes to Fire. C'est sur leur premier EP Stillwater, sorti le 1er décembre 2016. On retrouve Real Life, Sarah et Dad and Mom notamment. Un excellent OP sorti chez Music Record. Hâte qu'ils sortent un LP de, je ne sais pas, d'une dizaine de titres. Ils m'ont dit qu'ils se donnaient deux ans pour le faire. Allez faire un tour sur la page Facebook de Ashes to Fire. Donc Ashes, A-S-H-E-S, to Fire, comme le feu. Et ils ont promis un nouveau single avant avril 2017. Et ils partent en tournée. Et ils sortent un clip aussi début janvier et ils partent en tournée par la suite. On continuera avec Un monde virtuel de désillusion, c'est sur l'album Metal Influence sorti en 2015. On retrouve Serial Killer, Ultime Rémission et Illusion Perdue notamment. Il y a même un morceau qui raconte une histoire qui s'est passée à côté de chez moi en Auvergne. La bête du Gévaudan, bon c'était un peu plus sur la Lozère mais c'est venu jusqu'au pied de chez nous. Et ils font plein de concerts, allez sur la page Facebook de Désillusion. On continuera avec une autre nouveauté, Damage Control, le nouveau Suicidal Tendencies. C'est sur l'album World Gone Mad, sorti le 30 septembre 2016. On retrouve Clap Like Ozzy, The New Day Generation et One Figure Salute notamment. Un excellent album. Et on finira ce bloc en live avec Swan Lake de Madness. C'est sur l'album de MES Live Tapes. En fait, c'est un best of live d'entre 1980 et 1985. On retrouve Baggy Trousers, Madness, Nightboy Tuccaro, enfin tous les classiques de Madness. Run down the battle!

you'll be proud. Cause you left me with no strength and a whole lot of doubt. Bit of classical, yes, Tchaikovsky, Swan Lake. We'll be right back. Vous êtes toujours dans la 67e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de commencer l'émission avec Pendragon de Draft Dagger, Roads to Shit, le nouveau Aces to Fire, Un monde virtuel de Desillusions, Damage Control, le nouveau Suicidal Tendencies, et on a fini en live avec Swan Lake de Madness. On continuera cette émission avec une autre nouveauté, March de The Host. C'est sur l'album Sound the Charge, leur premier album sorti en novembre 2016. On retrouve Black Hills, Storm, Stones from the Storm et Don't Give It Up. Un excellent album, allez faire un tour sur la page Facebook de The Host. H-O-S-T. On continuera avec The Treat de Skid Row. C'est sur l'album Slave to the Grind, leur deuxième album sorti le 11 juin 1991. On retrouve Monkey Business, Psycho Love et Creepshow notamment. Un album qui vieillit pas trop mal. On continuera cette émission avec une autre nouveauté, Venomous Poison, de le nouveau Wild, c'est extrait de l'album Wild, sorti le 4 novembre 2016. On retrouve Stoned, Just Another Lie et The Fugitive, un excellent album de Stoner. Allez faire un tour sur la page Facebook de Wild et ils ont aussi un bandcamp, donc Wild, W-Y-L-D, voilà. Et on continuera avec un petit reggae là, tranquille. Violence in the Street de Israel Vibration, c'est sur l'album Jericho, sorti en 2000. On retrouvait Lost Souls, Every Shadow et African Unification, un magnifique album qui résiste au temps. Et on finira ce bloc en live avec Stutting Cock de Nashville Pussy, c'est sur High As Hell, leur deuxième album sorti en 2000. On retrouve She's Got The Drug, High As Hell et Let's Ride. Ils avaient fait énormément de bruit à sa sortie cet album à cause des textes qui sont des odes au sexe, aux drogues et aux autres beuveries. Mais enfin bref, moi j'adore cet album. At my door, it's been a long time lost and found. I live and die by the sword. We'll be right back. target for the cheap shots of authority. So you think you're coming down the size? Well, that's something you should realize. It's gonna take more than a break in the law to make me smile, Peter, for the wrecking ball. Oh, won't be the end of sacrifice. It's a threat to society. Society. Won't be. Won't be. violence in the street. 1 million running free, trying to get away from this outrageous gunplay, which seems to make us laugh, and so it keeps us back. How will you defeat your enemies? And you're so outnumbered. Gang war fighting here and there. Youth and youth, they're on the shoe. 10 million screaming voices hollering from the valley below. It was just like in the days of old, when Babylon tried to control our soul. They tried it first and then again, and so we brought them much pain. Then they start to fight again. When will we ever learn the way out to make the turn away from the evil one who has torment and corrupt the land? White grain powder in a them face, watch them as them take a no stains. Then them said I to terrorize the place. Violence in the street, 1 million running feet, trying to get away from this outrageous gunplay. Killing brothers, you can see it every day. Them a shoot, them just a face one another with a gunplay. 10 million screaming voices hollering from the valley below, just because of a strike. One draw a knife to chase each other just to take a life. Violence in the street, 1 million running feet, trying to get away from this outrageous gunplay. Whoa now, whoa now, whoa now, whoa now. Gang war, gang war, gang war. Stay far, stay far. Let my shoes. Gang war, gang war. Stay far, youth and youth and youth. Stop, stop, shoot, shoot. In the street, gang war, gang war, yeah. We're gonna try, so I'm gonna say, hit it, Rainbow! We'll be right back. êtes toujours dans la 67e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter March, le nouveau The Host, The Threat de Skid Row, Venomous Poison, le nouveau Wide, Violence in the Street de Israel Vibration et on a fini en live avec Stutting Cock de Nashville Pussy. On continuera cette émission avec No Future de Blink 182. C'est le nouveau, c'est sur l'album California, leur 7e album sorti le 1er juillet 2016. On retrouve Cynical, Bored to Death, She's Out of Her Mind et beaucoup d'autres. Un album, et cet album est magnifique, vraiment vraiment excellent. Tiens, on va faire un petit coucou au disco rock X-Ray Eyes de Kiss. C'est sur l'album Dynasty, leur 7e album sorti le 23 mars 1971. On retrouve 2000 Men, Magic Touch et l'incontournable I Was Made for Loving You. Je les retrouve en cassette. Ça, on va se le faire bientôt, des nouvelles très très vite. On continuera avec une autre nouveauté, Au bout du fil de Jérémy Capone, c'est sur l'EP Aquarium, EP 6 titres, sorti le 3 juin 2016. On retrouve Au bout du fil, à ce moment même, Aquarium, Ton cœur, ton âme et tes 10 doigts, et En vogue. Un EP somptueux, l'album est prévu pour mars 2007, à faire, à suivre. On poursuivra avec un petit ragamuffin, Big Dreams de Scaramucci, c'est sur l'album Return of the Ragamuffin, sorti en 2007. On retrouve Rise and Shine, No More Babylon et Stop the War, un album méconnu chez nous. Et on finira avec un grand classique en live et en vinyle, Number of the Beast de Iron Maiden, c'est sur le Live After Death, sorti le 13 septembre 1985. On retrouve Run to the Hills, Ace's Eyes, 22 Acacia Avenue, un classique de ces classiques en live pour attaquer l'année. Bonne année à tous et toute la tribu. She said, tonight's a waste of time. The next day, the sun will always rise. Every day that you waste, every promise you break, slips beneath the floor. It's a permanent state from a moment's mistake. But life's worth so much more. You don't know a thing about it. I was lost to dawn from dusk. Yeah, they don't care. Better. Où en étais-tu? J'ai perdu le fil et me sens tout décousu. Ces temps sont longs, ces temps sont durs. Ce fric et ce froid figent les esprits et y déposent la peur et le mépris. Allô? Je me laisse pousser des ailes et je plane si haut que les problèmes me semblent si petits que des groseilles. Ces temps sont longs, ces temps sont durs. Ceux qui n'ont pas d'armure s'essayent à la couture, mais ces dernières se détachent à l'usure. Make the money for your nose. A 24/7, so me say. Because me dream now go broke down like no sandcastle. Boy, them a trap, but me not in a no raffle. Money a fi run for you, see me now shuffle. You see me down the road, me and my girl, we a couple. Me have that big dreams of money and gold. Only if I platinum record sold. Half of this story, them say never been told. I fi get rich before me all. We'll be right back. Vous êtes toujours dans la 67e Vampire Fix et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un méga bloc là. No Future, le nouveau Blink 182. X-Ray Eyes, un grand classique de Kiss. Au bout du fil, le nouveau Jérémy Capone. Allez y faire un tour sur Jérémy Capone, c'est excellent. Big Dreams de Scaramucci. On a fini avec un grand classique vinyle et live et ça s'entend bien hein, que c'est du vinyle. Number of the Beast d'Iron Maiden. Il y a des gens qui m'ont dit ouais, Spike, tu passes pas assez de New Wave et t'en mets pas assez. Bon. Et donc du coup là j'ai pallié ce petit manque. Alors, on va se faire un gros bloc du Cold Wave, New Wave. On va commencer avec Monte Cristo d'Indochine. C'est sur 3, leur troisième album sorti le 10 mai 1985. On retrouve Canary Bay, Troisième Sexe, À l'Assaut, 3 nuits par semaine et Tes Yeux Noirs. Un top album. Que des tubes. On continuera avec une nouveauté, La Révolte, de le nouveau L'Ordre d'Héloïse. C'est extrait d'un album qui va sortir début d'année prochaine. Affaire à suivre, des nouvelles très vite. Allez faire un tour sur la page Facebook des copains de L'Ordre d'Héloïse. Ils sont extraordinaires. On continuera avec un grand classique, que dis-je, un fondateur de la New Wave, Simple Man de Klaus Nomi. C'était aussi le titre de son deuxième album sorti en 1982. On retrouvait From Beyond, Just One Look et Simple Man, un des pionniers de la New Wave, parti trop tôt de cette saleté de VIH. On poursuivra avec Shake Me de Frustration. C'est sur l'album Relax, sorti en 2008. On retrouve As They Say, Relax et Brother. Ils viennent de sortir un excellent album, Empires of Shame, un album extraordinaire. De cet album-là, Empire of Shame, je diffuserai bien évidemment d'autres morceaux dans de prochaines émissions. Et on finira ce bloc en live, avec A Forest de The Cure, un grand classique. C'est sur l'album 17 Seconds, leur deuxième album, sorti le 22 avril 80. Mais là, c'est du Live Festival de 2011. On retrouve Play for Today, In Your House et At Night, entre autres, un excellent live du Cure, quoi. Les plus voyous à l'entre-nous. regarde à toi. simple plan. I'm a simple man. Vous êtes toujours dans la 67e Vampire Freaks et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de se faire un excellent bloc New Wave, Cold Wave, Monte Cristo d'Indochine, La Révolte, le nouveau L'Ordre d'Héloïse, Simple Man, le grand classique de Klaus Nomi, Shake Me de Frustration et on a fini en live avec Forest de The Cure. On poursuivra cette émission, bon j'ai pas fait une spéciale mais bon pour commencer l'année, on va faire le dernier bloc et oui on arrive à la fin. On va commencer donc comme je disais ce dernier bloc avec un morceau en live. Donc c'est Qui se soucie de nous de Jacques Dutronc. C'est extrait du Casino de Paris de 1993. On retrouve L'Opportuniste, Les Cactus, L'Hymne à l'amour, Moi le nœud. Et c'était sa dernière apparition live avant de prendre la tournée avec les vieilles canailles. Michel et le gros Johnny, il n'y a que Johnny. On continuera avec une nouveauté, Sorry de Woody Nutt. C'est sur l'album qui porte le même nom. Woody Nutt qui est sorti en 2015. On retrouve Get Out, So Bad et We Don't Care. Un excellent groupe, un excellent album à découvrir. Allez faire un tour sur la page Facebook de Woody Nutt, WHODUNIT, et je mettrai les liens sur la page de l'émission. Allez, on est parti en rigolade. Haroun Taziev de Ludwig von 88, c'est sur l'album Prophète et Nain de Jardin, leur sixième album sorti en 1996. On trouve Ceausescu, Eddie Van Halen, Rocky Balboa entre autres. Un album bien décalé, bien Ludwig, bien 80, qui vieillit pas trop mal. Ils cartonnent en ce moment, ils sont tournés et ça affiche complet de partout. Peut-être qu'ils vont faire un album live, affaire à suivre. On poursuivra avec un petit reggae. Wayne Jacom de Lee Scratch Perry, c'est sur l'album Scratch Attack, sorti le 22 novembre 1988. On retrouve Who You Gonna Run To, Tighten Up et entre autres un excellent album à redécouvrir. De toute façon je remettrai des liens et on finira ce bloc en live avec Tribe de Soulfly. C'est sur l'album Soulfly, leur premier album sorti le 21 avril 1998 après la séparation de Sepultura. On retrouve I Fall An Eye, Bleed, Mbabaruma, un excellent album des métalleux brésiliens. Promis, je vais essayer d'en remettre d'autres de temps en temps du Soulfly. Se soucie de nous, par où? Mais qui se soucie de nous, par où? supporté, on vous a regardé. On vous a supporté, on vous a acclamé. On vous a acclamé, on vous a réclamé. On peut plus vous respirer. Mais qui se soucie de nous, par vous? Mais qui se soucie de nous, par vous? Mais qui se soucie de nous, par vous? Mais qui se soucie de vous, par moi? Mais qui se soucie de nous, le ciel et la terre me prêtent leur force. Poyé pour l'ami! Que le ciel et la terre me prêtent leur force. Poyé pour l'ami! Souvenir du bon vieux temps, sur la lune surfée, un certain goût d'enfer, à route péter les flammes, le soufre et le magma, enivrait toute son âme. De soufre et de fumée, la lave et la fureur de la terre déchaînée. Choosing to all the qui sont pichés, elles sont bien que modas. Soupir, seigneur das guerre, soupir, seigneur das de modas. Oh, qui sont pichés, elles sont bien que modas. Drive, not your drive. This is our drive, not truck. On vient de s'écouter Qui se soucie de nous de Jacques Dutronc, Sorry le nouveau Woody Nut, Aaron Taziev le grand classique de Ludwig von 88, When Jacob de Lee Scratch Perry. J'en diffuserai d'autres hein, de Lee Scratch Perry parce qu'il y a du matos, il est producteur, tout. Enfin bref. Et on a fini en live avec Tribe de Soulfly. Et oui, ça y est, cette 67e Vampire Freak touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freak, l'émission radio. N'hésitez pas. Et je vais vous laisser avec un petit truc allemand. Wie geliebt de Die Fantastischen Vier. C'est sur l'album Record, leur 9e album sorti le 24 octobre 2014. On retrouve Heut, Tippi Schisch et Dermann, Der Nicht Bewegt. On va traduire par l'homme qui ne voulait pas avancer. Voilà. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite et sur archive.org. Et surtout, n'oubliez pas, Vampire Freaks, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à toutes et tous, la tribu Tribe! Zu fehlt dir noch was, als ob du nach etwas suchst. Nach etwas mehr als nur Spaß, mehr als ne gute Zeit, noch mehr als nur sorgenfrei. Statt einer endlosen Nacht, etwas, was dir auch am Morgen noch bleibt. Doch allmählich wächst deine Angst, steigert sich jeden Tag. Ist, was du vom Leben verlangst, einfach mehr als es zu geben vermag. Etwas, das eh nur die wenigsten haben, dir sehen's nur die wenigsten an. Weil scheinbar bei dir alles passt, nur dass du das eine nicht hast. Denn eine Kleinigkeit fehlt und eigentlich geht's dir gut. Aber du wünschst dir oft, du hättest, doch du hattest keinen Mut. Was ist das alles hier wert, wenn's keiner mit dir teilt? Denn du hast so vieles zu geben, aber findest keinen. Denn eine Kleinigkeit fehlt und eigentlich geht's dir gut. Aber du wünschst dir oft, du hättest, doch du hattest keinen Mut. Ja, du hast viele Freunde, nur nicht diesen einen Mensch, der dich ein Leben lang begleitet und sein eigen nennt. Manchmal lädst du dir Leute ein, ist doch gut, dass es Freunde gibt. Denn du fühlst dich gut bei ihnen, nur eben nicht geliebt. Doch alles sind da für dich, nur was, wenn sie wieder gehen. Kannst du deinem Spiegelbild dann noch gegenüberstehen? Denn was es dir ständig zeigt, ist, du hast es nicht geschafft. Mal tust du dir selber leid und das nimmt dir noch mehr Kraft. Mal kämpfst du dagegen an, doch leider gibt's keinen Mensch, der dich begleitet und ein Leben lang sein eigen nennt. Denn eine Kleinigkeit fehlt und eigentlich geht's dir gut. Aber du wünschst dir oft, du hättest, doch du hattest keinen Mut. Was ist das alles hier wert, wenn's keiner mit dir teilt? Denn du hast so vieles zu geben, aber findest keinen. Denn eine Kleinigkeit fehlt und eigentlich geht's dir gut. Aber du wünschst dir oft, du hättest, doch du hattest keinen Mut. Ja, du hast viele Freunde, nur nicht diesen einen Mensch, der dich ein Leben lang begleitet und sein eigen nennt. Hey.